Je veux mourir d'amour une fois dans ma vie. Je veux mourir un jour d'amour. Je veux avoir en moi cette chose qui efface tout le reste autour. Je n'ai jamais connu que l'amour passager, à peine aimé si vite oublié. Et je voudrais aujourd'hui, à mon tour, je voudrais mourir d'amour. Je veux mourir d'amour une fois dans ma vie. Je veux mourir un jour d'amour, sentir battre mon cœur jusqu'à l'agonie, jusqu'à en être aveugle et sourd. Je veux ne plus chanter, ni penser, ni dormir, ne plus vivre que pour un sourire. Oui, pour avoir le plus beau de l'amour, je veux en connu que l'amour passager, à peine aimé si vite.